C'est l'asile le plus sûr, comme tous les lundis, émission également podcastable, écoutable et pas mal d'autres choses encore sur son blog asile35.blogspot.fr. Alors j'ai deux ahuris en face de moi qui essayent de me faire rire, mais ça ne va pas marcher du tout, mais alors pas du tout. Voilà donc l'asile le plus sûr sur son blog, comme je vous disais, asile35.blogspot.fr ou sur le Mixcloud / Redman. Nous en sommes à l'antépénultième émission avant la clôture estivale. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça, donc avant-dernière émission. Voilà, encore trois émissions avant la coupure et on se retrouvera à la fin du mois d'août. Donc on clôturera avec une dernière émission aux alentours du 25. On fera juste une petite pause d'une semaine pour cause de séjour au festival Jazz à Luz. Alors on attaque avec un vieux groupe post-punk et électronique de la fin 70, début des années 80. Et pas que, puisqu'il a continué bien longtemps après. Il s'agit de Cabaret Voltaire à l'occasion de la sortie du florilège électro-punk to techno-punk sorti sur Mute ces jours-ci, un double vinyle CD qui compile deux périodes distinctes du combo de Sheffield, à l'époque du trio des débuts, Chris Watson, Richard H. Kirk et Stephen Malinder. Il y a eu pas mal d'anthologies qui sont sorties ces dernières années, notamment en 2013, des collected works dans tous les sens, mais pas mal autour plutôt de la période après 1983, donc là c'est plutôt les débuts qui m'intéressent davantage pour Cabaret Voltaire, et on démarre avec un morceau très classique, extrait de l'album Red Mecha qui était sorti à l'époque chez Rock Trade et qui figurait également dans leur répertoire de concerts. On écoute donc ce classique de Cabaret Voltaire, le morceau Landslides. Thank you. We'll be right back. where they sat. The cowboys smoked yellow, driven to market, delivered by Spike. On a démarré la sélection de l'Asile de cette semaine avec trois nouveautés, une triplette de nouveautés plutôt électro-soniques. Tout d'abord, un titre qui lui n'était pas tout jeune, qui datait d'il y a une bonne vingtaine d'années, de Cabaret Voltaire, que vous pouvez retrouver sur cette très belle compilation Electropunk to Technopunk, qui retrace un peu l'histoire du groupe entre 1978 et 1985 et qui fait une très belle porte d'entrée sur la musique de Richard H. Kirk et Stephen Mallinder. Donc Florilège, qui sort ces jours-ci sur Mute en double vinyle CD, qui était enchaîné avec là une vraie nouveauté. Et le tout nouvel opus, je crois que c'est le 8e ou 9e en date de Tout Rococorote, le fameux groupe de post-rock et musique électronique originaire de Berlin au nom palindromique. Donc l'album s'intitule Instrument, il est sorti sur City Slang et on retrouve donc les frères Scheider, Robert et Stéphane, membres par ailleurs de Cradler, en compagnie du batteur Ronald Lipok. Ça faisait un petit paquet d'années qu'ils n'avaient rien sorti, c'est Lascarla. Le nouvel album est un peu dans la lignée de ce qu'ils peuvent faire depuis une bonne vingtaine d'années, à savoir des vignettes de musique électronique et rock mélangé, plutôt ciselé. Et on a terminé avec, là encore, un rescapé, plutôt lui aussi de la fin des années 70, début des années 80, en la personne de Edgar Graham Lewis, le bassiste de Wire et de Dome, qui revient avec pas moins de deux disques. All Over, tout d'abord, qui est une série de pièces enregistrées à Uppsala, où il réside, je crois, ces dix dernières années. Donc, un florilège de ces compositions récentes, on pourrait dire, où on retrouve après tout ce qui a fait le succès de la musique de Graham Lewis, entre pop song, musique électronique et une certaine architecture sonore assez reconnaissable. Là, on est tourné un titre qui faisait pas mal penser à un croisement entre Scott Walker et les Legendary Pink Dots, par exemple. L'album est très recommandable, donc ce All Over, sorti conjointement en vinyle et en CD par le label autrichien Imego. Et cette sortie est accompagnée par un deuxième opus sous le titre Hollander, qui lui est une série de musique pour l'écran ou pour des installations visuelles, donc des pièces beaucoup plus longues et là beaucoup moins chantées et moins pop, pour ces deux disques, voilà, pour ces deux disques de Edvard Graham Lewis. On continue avec un combo apparemment assez mythique du côté de Chicago, mais je les découvre avec cet opus. Il s'appelle Ono, en trois lettres, comme ça se prononce. L'album, c'est Digesis, et ça sort sur Moniker. Alors, c'est une formation menée par un gourou, avec quelqu'un qui a donc commencé à la fin des années 70, début des années 90, une sorte de gourou rasta, avec des manières de chanter et des vocalises assez étonnantes. Il s'appelle Travis et il est en compagnie d'un bassiste, monsieur Michael Grégo. Tous deux, ils officient au sein de cette formation qui a démarré un peu dans l'avant-rock post-punk au début des années 80, une sorte de croisement entre la musique de Captain Beefheart et celle de Throbbing Gristle, pour employer un raccourci assez simpliste. En général, dans les chroniques, on dit qu'ils font de la noise gospel. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça peut rendre. Et donc, ce sont des gens qui ont commencé dans les soubresauts du post-punk, comme je vous disais, mais avec un côté aussi un peu barré, mélange funk et pas mal de choses. Un sens du délire assez exacerbé. On écoute le titre qui démarre cet album de Ono, Diegesis, le titre qui s'intitule Travis Wax Madonna, qui est plutôt pas mal. L'album n'est pas à sauter au plafond, mais c'est une nouveauté plutôt sympathique, ce disque de Ono. On écoute le titre donc, Travis Wax Madonna. Rome. À l'instant, dans l'asile le plus sûr, le cabinet de curiosité de l'antenne du 94 MHz, vous avez pu découvrir un extrait du tout nouvel album de Ono, le groupe en trois lettres, et qui s'intitule Diegesis, sorti sur le label de leur compatriote de Chicago, Moniker. Album plutôt assez intéressant, avec pas mal de choses comme ce titre qui me faisait pas mal penser d'ailleurs à un peu à du Can pour les parties vocales de son chanteur, donc le fameux Travis, qui a un sacré look sur les photos d'ailleurs, look rasta et assez excentrique. Quatrième album en date de cette formation que je découvre avec vous. Le premier opus qu'ils avaient sorti remonte à 1983, ils avaient sorti un autre disque en 86, puis il y a eu un grand break, je pense qu'ils ont un peu jeté l'éponge, et ils reviennent donc sur le devant de la scène ces dernières années, avec donc un disque qui était sorti en 2012, et donc celui-ci au printemps 2014. On a enchaîné cet album de Ono avec une autre formation, cette fois-ci anglo-saxonne, qui répond au nom de The Pheromones. Et le disque Hearts of Gold, sorti sur le label londonien Upset The Rhythm. Alors je crois que c'est leur cinquième ou sixième album en date. Alors il y a eu des albums plutôt en tirage confidentiel sur des micro-labels britannique, c'est leur deuxième opus donc pour Upset The Rhythm, et donc cette formation est une pierre de plus à l'édifice du rock bancal britannique, fortement imprégné de poésie urbaine à la marque E-Smith, avec pas mal de titres qui tournent autour de l'alcool, de thèmes très très très quotidiens tels que les vacances dans le sud, sur la côte sud de l'Angleterre, ce genre de choses. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet album est sacrément réussi. Je découvre également The Pheromones avec ce Hearts of Gold, et à l'exception de 2-3 titres peut-être un peu plus faibles ou un peu plus garage à mon oreille, le reste est vraiment très très excentrique et très très réussi. On écoutera peut-être un autre extrait la semaine prochaine de ce disque de The Pheromones. On continue avec une formation qui répond au nom de Shivers. Shivers, le titre du fameux film de David Cronenberg, sous-titré Parasite Murder de 1975. Et c'est aussi donc désormais le trio qui réunit Rutger Zuiderveld de Machine Fabric et les messieurs Gareth Davis et Léo Fabric, pour un trio qui vient tout juste de sortir un disque éponyme sur le label de Eric Skodvin alias Svart Kreiner, le label norvégien Miasma, excellent label plutôt dans les musiques un peu ambiantes drone avec des textures assez chargées, ce qui n'est pas vraiment le cas de la musique de Shivers, qui est une musique, on pourrait dire, plutôt inspiré par les thèmes un peu bizarroïdes électroniques composés par John Carpenter, donc une sorte de musique de science-fiction paranormale qui touche pas mal à l'intime. Je propose d'écouter un titre de ce Shivers, donc album éponyme, et le morceau Spasek. Thank you. C'est une forme de transparence ressemblant au sens. composé par Félix des noms de plus de lire, des noms de sang. Il attribue souvent la relation d'Italie Proust au médecin écossais James Brett. Thank you. Une séquence d'Electronica très dans l'air du temps de ce début de mois de juillet dans l'asile le plus sûr qui a démarré avec tout d'abord le nouveau projet de Rutger Zuiderveld alias Machine Fabric qui s'intitule Chivers qui sort donc ce disque éponyme ces jours-ci sur le label Miasma. On retrouve Rutger aux côtés de gens avec lesquels il se produit assez régulièrement, notamment Gareth Davis, avec lequel il a déjà sorti 2-3 opus à ce jour. Mais c'est vrai que ce fameux musicien est donc promoteur du projet Machine Fabric, produit à peu près 10-15 albums longs par an. D'ailleurs, il vient tout juste de sortir un tout nouvel album sur le label Bascarou sous son nom, sous le titre de Stay Tuned. Quant à Machine Fabric, je crois qu'il y a un disque de travaux de musique électronique sur percussion assez étonnant qui vient aussi de voir le jour. Alors, je ne sais plus sur quelle étiquette labellistique. Voilà, donc ça c'était pour Chivers qui était enchaîné avec un premier disque qui marque la collaboration pour la première fois entre Brian Pyle alias Ensemble Economic, le fameux musicien californien ex-membre de Starving Weirdos, qui retrouve Felicia Atkinson, la plasticienne et musicienne française expatriée alias Je suis le petit chevalier pour ce projet Naked Island, qui lui aussi sort un disque éponyme sur le label Peak Oil, un disque de techno mutante hybride, on pourrait dire, avec beaucoup de synthétiseurs un peu vintage de la fin 70, début des années 80, un peu à l'image de ce que peut produire Brian Pyle et son ensemble économique, avec lequel il sort d'ailleurs un tout nouveau disque lui aussi ces jours-ci sur Denovali, sous le titre Melt Into Nothing. Et sur ce Naked Island, il y a beaucoup de voix chuchotées, comme sait très bien les faire Felicia Atkinson, et de déclinaisons autour du mot mesmérisme et du thème de l'hypnagogie, donc cher à ces deux musiciens. On va continuer avec tout autre chose et un disque que je vous ai proposé la semaine dernière et qui est particulièrement fameux. Il s'agit du projet du bassiste norvégien basé à Austin dans le Texas et membre du groupe The Thing Ingebrigt Åkerflaten, qui revient avec une formation sous le nom de The Young Mothers, qui fait paraître ce disque A Mother's Work Is Never Done sur le label Tektite Records. Donc un disque plutôt de mélange et de fusion entre jazz contemporain, un certain sens du funk, du rock et du hip-hop mélangé. Je propose d'écouter un extrait donc de ce A Mother's Work Is Never Done, donc le titre Maul par The Young Mothers. We'll be right back. À l'instant dans la Zone Plus sur une séquence typiquement free comme on les aime, qui a démarré avec The Young Mothers et le disque A Mother's Work Is Never Done, premier album pour ce projet du bassiste Ingebrigt Hacker Flatten, le bassiste norvégien en compagnie de musiciens américains, notamment le batteur Frank Rosali, ou encore un trompettiste rappeur qui ne faisait pas de rap sur le titre qu'on a entendu, Joe Wad Taylor, disque plutôt pas mal dans les croisements et plutôt jusqu'au boutiste et très très très très groovy et qui était enchaîné avec la musique du quartet franco-danois sax guitare basse batterie The Who, trois ensembles vides et un H. L'album s'intitule Souvenir d'ailleurs. C'est sorti sur le propre label du bassiste le français du groupe Sylvain Didou. Et son label donc qui répond au nom de Ormo Records ou Ormo Music pardon. Donc très beau disque pour la musique qui illustre bien la musique de The Who, qui a un côté rythmique noise combiné à l'énergie du free et qui fait pas mal penser à ce que peuvent produire aussi les musiciens de ZX dans leur projet parallèle en jazz free contemporain. On pense beaucoup par exemple à Lynn Left et les compositions qui figurent sur ce disque de The Who, qui sont d'ailleurs enregistrées en concert, sont vraiment excellentes pour cette formation donc, qui était passée, si je ne m'abuse, au regretté café La Bascule il y a de ça un an et demi. Je n'y étais pas et je m'en mords sévèrement les doigts. Voilà, on va continuer avec une séquence de musique improvisée européenne et une séquence qui va illustrer un peu les talents du batteur Sven Åke Johansson, qui est un peu le parangon de ces musiques depuis le début des années 70, lui qui a joué notamment dans le Globe Unity Orchestra de Alexander Schlippenbach, également beaucoup aux côtés de Peter Brotzmann, donc il s'est pas mal illustré sur l'étiquette FMP, et pourtant il est d'origine suédoise, Sven Åke Johansson, une carrière discographique assez phénoménale, donc avec des croisements et des rencontres dans tous les sens, et avec à peu près tout ce qui a bougé dans le domaine du jazz free et des musiques européennes improvisées, les musiques libres et assez incroyables qui sont produites depuis pas loin de 40 ans. Sven Åke Johansson, qui a aussi son propre label SAG, avec lequel il produit pas mal de ses formations, et je voulais vous proposer sa musique à l'occasion de la sortie de très beaux coffrets sous la forme de quadruple ou quintuple CD. Il y avait déjà eu un quadruple CD qui illustrait différents projets des années 70, et il récidive avec un quintuple cette fois-ci pour une sélection de concerts qui s'échelonne entre 1981 et 1991, avec pas mal de gens intéressants. Il y a un trio qui est assez fantastique avec son compatriote Mats Gustafsson et le clarinetto saxophoniste Wolfgang Fuchs, une grande formation aussi. On retrouve le même Fuchs aux côtés de Schlippenbach, de Tristan Singer, j'en passe et des meilleurs. Il y a aussi un très beau duo en compagnie de l'électro-sonicien américain Richard Tettelbaum, mais là je vous propose d'écouter son BBQ Chinese Music Quartet. qui est la rencontre entre le Britannique Steve Beresford, piano, voix et différents délires en tout genre, Rudiger Carl qui est au sax et à l'accordéon, Sven Åke Johansson donc également batterie et il officie aussi à l'accordéon et à la voix. Et on y retrouve également le regretté guitariste Hans Reichel. La session de concert avait été enregistrée au Club Dunois, le fameux et regretté Club Dunois de Paris en 1982. On écoute le titre Tolbiac par le BBQ Chinese Music Quartet. Thank you. Alors, je ne sais pas si la musique improvisée en live, ça passe vraiment le cap de l'antenne. En tout cas, une très belle session improvisée par Steve Beresford, Rudiker, Karl, Hans Reichel et le batteur Sven Ake Johansson, que vous pouvez retrouver, qui datait de 1982, que vous pouvez retrouver donc sur ce coffret anthologie de concerts publié par le batteur suédois lui-même sous sa propre marque de disque SAG. Alors, c'est distribué par Metamkin et ça se vend à une bouchée de pain, une trentaine d'euros si vous intéressez au croisement entre jazz free et improvisation européenne. C'est vraiment le coffret qu'il vous faut qui vient juste de sortir, donc de Sven Ake Johansson, The 80s Selected Concert. Je propose d'écouter une autre formation internationale qui réunit cette fois un Polonais, le saxophoniste Mikołaj Traczka, un Suédois là encore, le tubiste Per Acke Holmlander, ainsi que deux Américains, en la personne du tromboniste émérite Steve Swell et de Tim Daisy à la batterie. Le projet s'appelle Inner Ear et ils ont sorti cet excellent album Return from the Center of the Earth sur le label polonais Bossian Records, de l'excellent free très inspiré avec un sacré sens du drive, des accents un tantinet rock et de très très belles parties de cuivre grave. On écoute une longue pièce extrait de ce Inner Ear, Return from the Center of the Earth. Ha ha ha. Thank you. Inner Ear, la musique de l'oreille intérieure sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr, et ce disque Return from the Center of the Earth, sorti sur le label Bossian Records, avec cet incroyable drive du batteur Tim Daisy, bien connu pour avoir croisé le fer avec Ken Vandermark entre autres. Voilà donc pour terminer l'émission de cette semaine. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette même émission ainsi que la playlist et celle des émissions précédentes depuis le début de la saison 2013-2014. C'est sur asile35.blogspot.fr. Il y a aussi un mixcloud/renman pour l'écoute directement en streaming. On va se quitter juste après quelques petites annonces concerts, avec une soirée à ne pas manquer ce jeudi 3 juillet. C'est à la Fermatozoïde, à côté de Rennes, au Tail de Bretagne. Donc ce jeudi 3 juillet, le Singe Blanc, en compagnie de Dekiri et de Don Vito. La Fermatozoïde qui reste ouverte une partie de l'été, avec pas mal de soirées à venir, notamment le 7 août. Vous pourrez revoir peut-être Edouard, ainsi que De La Cave, Furo et Something, et pas mal donc d'autres soirées jusqu'au début du mois de septembre. Et si vous êtes sur Rennes également, ce mercredi 2 juillet, une soirée intitulée Surf Punk Noise avec Napalm Jazz, Threesome et Archie Pelagos. C'est au Terminus à Rennes, derrière la gare, pour une poignée d'euros. Voilà, on va se quitter avec un tout dernier disque qui marque la rencontre entre les deux plasticiens sonores, Stéphane Vitiello et Taylor Depreux. Ça s'appelle Captiva, c'est sorti d'ailleurs sur le propre label de Taylor Depreux, 12K. Ce disque plutôt marqué par l'écologie sonore, des captations dans des environnements naturels pour produire une musique d'ambiance, qui sera une très belle conclusion à l'émission L'Asile le plus sûr de cette semaine. On se retrouve une nouvelle fois en direct lundi prochain, et un petit break, puis un dernier direct avant les grandes vacances de l'asile. Je vous souhaite une très très bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.